les poches, un petit showcase et je défauche. Chapka claquette, polo Lacoste, j'fais pas la star, réellement ta cote. Ne m'appelez pas, j'suis sur la côte, j'loue un petit bateau, j'ai pas de yacht, j'suis pas chauffé, j'suis comme un autre, au 5 au resto, j'paye ma note. Besoin de personne pour faire mes sous, pour faire mes flows, pour faire mes sons. Une chose est sûre, j'ai pas de réseau, j'suis un peu de résine cache à la maison. J'en place une pour les commerces et les trafiquants t'es au bar. La mise veut que tu coopères, elle veut son coup et tu la jettes quelque part. Je fais ce que je veux, je veux, je veux, je veux. Jamais je passe aux aveux, j'ai le meilleur des baveux. Je fais ce que je veux, je veux, je veux, je veux. Ne fais pas trop nerveux, tu vas te faire traîner par les cheveux. Vas-y arrête ton baratin, t'es plein fake. Je suis posé un verre de thé, un space cake. On vient pour mettre le feu à peine 1-8. Pourtant j'arrive avec une équipe de Texnate. Je baisse la vite, y'a de la fumée dans le cockpit. Je connais des mecs, c'est des hate, ils ont des coups de pit. Que ça kick sur le beat. Fais pas le show, tu repars en moule beat. Y'a pas de 10, c'est que des gros 50. Viens dans la street avec des scènes choquantes. Fais pas de boulettes dans le 5-50. Ou je te reprends un coup de pioche clinquante. Course poursuite, adrénaline. Mélange vodka dans cristalline. Un jour tu loses, un jour tu win. Dans le game depuis un petit ta win. Je fais ce que je veux. J'arrive en roue arrière, DPR sans air, on va faire bouger ton terre-terre. On va te niquer sur ma mère, je suis dans le bolide. Ils me regardent les gens, mettent le sur les gens, t'as peu de jeune. Je fume depuis jeune, j'écris quand je déjeune. Quand on t'a vu la palette, toi direct t'as baissé ton calbar. Dans une enfée, ça mélange le dit avec une malbarre. Les yeux sont rouges dans le gros pétard, ça tire des grosses barres. Celui qui en fait le moins souvent qui veut bouffer la grosse part. À l'usine comme un chinois, j'aime quand elle fait son chignon. Je fume mon gros pète chez moi, je regarde ses fesses, tu vois le schéma. Je suis dans un film, je rêve que je les fume quand je vois ce qu'ils filment, hein. Quand je vois ce qu'il filme. Mais pas de pardon pour cette salope si t'as brisé l'omerta. On aime les femmes au mental, t'as si ouais comme la guerta. Que tu parles de meuf, on t'a croisé avec ta horda. Y'a pas de païen à la maison, j'suis détecte bulle corda. Toujours dans ma paranoïa. J'ai goût du Chantal Goya. Posé avec Bella. Bébère, ça fume de la herdella. J'trahis pas mes joya. Je change pas sous polia. Posé sous Sequoia. Loin de ces mangeurs de poya. Je fais ce que